Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, ben la Coupe Dodge qui se déroule actuellement à Montréal, le Marcos Pub de Saint-Félicien ont remporté une belle victoire hier. Ils ont gagné 7-1 contre l'Estrie. Aujourd'hui, la troupe de David Boudreau va affronter le lac Saint-Louis. Du côté des Marquis de Jonquière de la Légion régionale, ben les Marquis ont défait l'Estrie 7-3 et aujourd'hui, ils affrontent l'Outaouais. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont atteint la grande finale hier. Ils ont défait Saint-Georges-de-Beauce par le compte de 5-1. Christian Ouellet a dirigé l'attaque de l'équipe de Richard Martel avec 2 buts et 1 passe. Il y a Stéphane Chaput qui a également marqué 1 but et 1 passe. Hugo Carpentier et Ulav Kolnik ont aussi complété le pointage. Les Marquis vont attendre les gagnants de la série entre Thetford et également Sorel. Thetford qui est en avance dans la série. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a eu la chance de parler avec Olivier Galipeau des Saguenay de Chicoutimi. Olivier Galipeau qui a marqué les 2 derniers buts de la série contre Rouyn-Noranda et a permis aux Sags d'affronter St. John ce soir. Et dans un premier temps, il explique qu'à jouer un 7e match, c'est toujours particulier. C'est le summum, je pense, d'une série. Tout peut arriver dans ce genre de match-là, puis on l'a encore vu une fois de plus contre Rouyn. Est-ce que Olivier Galipeau mentionne que l'équipe a pas paniqué après la défaite de 9-2 qui est survenue lundi soir. Ben, je pense que dans une situation comme ça, on n'a pas le choix de se retrousser les manches. Qu'on ait perdu, je veux pas, en troisième prolongation par le score qui est arrivé 9-2. Le résultat est le même, puis le septième match était forcé. Fait qu'il fallait juste se retrousser les manches puis se préparer en conséquence du match du lendemain. Dans un temps, Galipeau a beaucoup, beaucoup de respect pour les Sea Dogs St. John. Par contre, l'équipe sera prête, explique le défenseur des Sacks. C'est pas faux. Ils ont vraiment un bon club de hockey. Il faut les respecter quand même. Mais je pense que si on continue à avoir notre style de jeu à nous puis croire en ce qu'on est capable de faire, en notre chimie, en notre résilience, c'est là qu'on va avoir du succès puis qu'on va être capable de compétitionner. Et Gilles Bouchard n'est pas d'accord avec les gens qui disent qu'un système à 2 gardiens de but, c'est ça qui a causé la défaite des Huskies. Ouais, mais tu sais, regarde ça, là, on n'a pas perdu la série à cause de Tremblay dans les 2 derniers matchs. Là. Ouais. On a gagné 9-2 chez nous, on a perdu 4-3 en overtime. Tu sais, la ligne est même. Si on avait gagné, personne n'aurait dit, ben là... Tu m'aurais pas appelé aujourd'hui de me dire hey, félicitations, avec 2 gardiens, c'est vraiment ouais. Arrêté, comprends-tu? Fait que nous autres, on est à l'aise avec ça. Ça fait jaser bien du monde. Puis écoute, je pense que ça fait jaser pour rien. Nous autres, on est à l'aise avec les deux. Tremblay, c'est pas la raison de notre défaite du dernier match. Fait que c'est comme ça qu'on voit les choses de ce côté-là. Là. OK. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, j'ai parlé avec l'instructeur chef de Huskies de Rouyn-Noranda, Gilles Bouchard. On vous a diffusé une entrevue qui a été réalisée sur les ondes de CKJ de Yannick Jean avec Michel Tifo. Également, vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Olivier Galipeau, le défenseur des Saguenayens de Chicoutimi. Et également, Sébastien Morin vient nous parler de la série entre les Sags et St. John qui débute ce soir. Le sport local régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.